Chapitre 26. La réminiscence. Ophélie passa la nuit à se retourner dans son lit, au milieu des ronflements du dortoir et du fredonnement des moustiques. Elle ne comprenait plus du tout Thorne. À quoi rimait cette question qu'il lui avait posée? Pensait-il qu'elle lui dissimulait des informations? Elle s'était enfuie de chez elle pour le chercher. Elle avait changé d'identité sur une arche où le mensonge était un délit. Elle avait préféré subir le chantage de Médiana plutôt que le trahir. Elle était restée à la bonne famille parce qu'il le lui avait demandé, et jamais, à aucun moment, elle ne s'était plainte. N'était-ce pas plutôt à Thorne de lui dire en quoi, exactement, elle était si décevante? Exaspérée de chaleur, Ophélie repoussa ses draps. Elle aurait dû être furieuse contre lui, mais c'était d'elle qu'elle était le plus mécontente. 3 ans auparavant, elle avait échoué à aider Thorne quand il avait vraiment eu besoin d'elle, et le passé se répétait. Maintenant, plus que jamais, elle se sentait inutile. Peut-être que les seuls mots qu'il attendait d'elle, au fond, étaient des excuses. Ophélie s'assoupit enfin. Elle survola l'ancien monde, perdu quelque part entre le passé et l'avenir, le rêve et le réel. Sous les nuages, elle aperçut une ville en ruine qui portait les cicatrices des bombardements, puis ce fut la mer à perte de vue. Non, c'était bien plus qu'une mer, un océan. Il était étrange de penser qu'un jour, toute cette eau serait entièrement engloutie par le vide. En se concentrant, Ophélie réussit à distinguer les sinuosités sous-marines d'une barrière de corail et, quelque part au cœur d'un lagon, une minuscule pointe de verdure. Une île au large des côtes. C'est mon foutu chez moi. Ophélie remarqua alors un homme qui se tenait assis à côté d'elle, tout au bord d'un nuage. Elle le reconnut aussitôt. C'était le concierge dont elle avait lu le registre. Le voile de son turban dissimulait à peine son visage défiguré. Sa bouche évoquait une plaie mal cicatrisée. Pourtant, Ophélie le comprit parfaitement lorsqu'il leva vers elle ses petites besicles rondes et qu'il lui parla dans une langue qu'elle n'avait jamais entendue. « Fais gaffe à l'autre. L'est pas comme ces foutus gosses, celui-là. »« Quel autre ?» demanda Ophélie. Pour toute réponse, le concierge replongea dans la contemplation de son île et tordit ce qu'il lui restait de bouche. « Si tu cherches, y dis, l'autre te trouvera. » Ophélie se réveilla en sursaut. L'aube ne s'était pas encore levée, mais elle n'avait plus du tout sommeil. Dans le lit voisin, emmitouflé sous son drap, Zen l'épiait à travers la pénombre d'un œil inquiet, comme elle aurait regardé une folle furieuse prête à lui bondir dessus. Après avoir attrapé ses lunettes, Ophélie enfila son uniforme et ses bottes derrière le paravent, puis descendit au pas de course le transcendium. Le cliquetis de ses ailes emplissait le silence du foyer. Elle passa sa carte d'apprenti dans le tourniquet du local télégraphique. C'était dommage de gaspiller des points durement gagnés pour envoyer un simple message, mais elle ne se sentait pas la patience d'attendre. « À l'attention de Monsieur Blasius, mémorial de Babel, service de classement des collections, » dicta Ophélie dans le cornet acoustique. « J'aurais besoin de vous voir tout à l'heure pour un conseil. C'est au sujet des livres dont vous m'aviez parlé au bazar. » De la part de Lali, de la deuxième division de la compagnie des avant-coureurs. Après quelques secondes, le bras mécanique du guichet pivota sur un socle. Son doigt de cuivre pianota des impulsions, tantôt brèves, tantôt longues, sur un appareil télégraphique. Ophélie espérait qu'il ne reproduirait pas tous ces « e ». Comment avait-elle pu oublier les livres de I. D. Miss Silence les avait détruits sans autorisation juste avant de mourir d'un arrêt cardiaque, et pas un instant, il n'avait traversé l'esprit d'Ophélie d'en parler à Thorne. Il lui fallait réparer cette erreur, au plus tôt. Elle passa le restant de la journée à compter les minutes. L'atmosphère à la bonne famille était devenue irrespirable. Des vents torrides faisaient trépider toutes les vitres des bâtiments et projetaient du sable jusque dans les atriums. Chaque fois qu'Ophélie s'approchait d'une fenêtre, elle cherchait des yeux le mémorial dressé sur sa petite arche lointaine à travers les tourbillons de poussière. Pourvu que le vol ne fût pas annulé aujourd'hui. Elle resta cloîtrée l'après-midi avec ses camarades dans le laboratoire d'expertise au milieu d'un silence bouillant. Les devins la tinrent à l'écart de toutes les activités de groupe et Zen changea de place pour ne pas avoir à se retrouver à côté d'elle. Octavio, qui d'habitude ne la quittait pas des yeux, évitait son regard depuis leur aparté aux toilettes. Quant à Lady Septima, elle ne lui fit pas l'honneur d'un seul commentaire durant les travaux pratiques. Elle évaluait, conseillait, critiquait tout le monde, sauf elle. Une mise en quarantaine, spontanée et unanime, à seulement quelques jours de la cérémonie de remise des grades. Ce fut un vrai soulagement pour Ophélie de voir les vents faiblir avec le déclin du soleil. Le dirigeable réservé à la compagnie des avant-coureurs décolla au crépuscule dans un ciel brûlant et sulfureux. Ophélie cherchait un siège où elle ne s'attirerait pas une toux de désapprobation. Si étrange que cela pût paraître, il y avait des moments où Médiana lui manquait presque. En disparaissant, la devineresse avait laissé un grand vide qui n'en finissait plus de s'étendre tout autour d'Ophélie. Elle se retrouva au fond du dirigeable à côté d'Élisabeth qui prenait tranquillement des notes dans son calepin sans paraître remarquer ni l'animosité qui régnait à bord ni le désarroi de sa voisine. Comment êtes-vous parvenue à devenir aspirante virtuose? Grâce à beaucoup, beaucoup de café. S'il vous plaît, soupira Ophélie. J'ai commencé mon apprentissage plus tard que les autres et je me suis mis Lady Septima à dos. Il me reste peu de temps pour faire bonne impression. Un conseil serait bienvenu. Élisabeth continua de faire courir son crayon sur le papier, alignant une suite de nombres, de lettres et de symboles qui avaient apparemment du sens pour elle. « Reste neutre, » finit-elle par déclarer d'un ton placide. « Observe sans juger, obéis sans discuter, apprends sans prendre position. Intéresse-toi sans t'attacher, remplis ton devoir sans rien attendre en retour. C'est la seule façon de ne pas souffrir. » conclut-elle en raturant un bloc d'instructions. « Moins on souffre, plus on est efficace. Plus on est efficace, mieux on sert la cité. » Ophélie contempla les mains d'Élisabeth, constellées de taches de rousseur. Elles écrivaient, rayaient, reprenaient à zéro, sans se décourager. « Vous ne vous sentez jamais seule ?»« Nous sommes toujours seuls. » Quand le dirigeable arriva au mémorial, Ophélie en descendit plus désabusée qu'elle n'y était montée. La séance de catalogaphie lui parut interminable. Elle devait remplir son quota au plus vite si elle voulait se dégager suffisamment de temps avant son rendez-vous au secrétarium avec Thorne. Sa tête bourdonnait de tant de questions qu'il lui était cependant difficile de se concentrer. Pourquoi Miss Silence avait-elle détruit en cachette l'œuvre complète de E.D.? Était-ce lié aux recherches de Thorne? Pourquoi un auteur de vieux livres pour enfants détiendrait-il une information permettant de devenir l'égal de Dieu? Ce qui était arrivé à Médiana et au professeur Wolfe avait-il aussi un rapport avec ce secret? « Si tu cherches, Edie, l'autre te trouvera. » Bien sûr, ce n'était qu'un rêve, mais Ophélie avait tendance à prendre au sérieux tout ce qui remontait à la surface de son inconscient. Cette mémoire qu'elle partageait avec Dieu semblait en savoir beaucoup plus qu'elle. Qui donc était cet autre dont le concierge avait eu si peur? Est-ce que c'était le même que celui qu'Ophélie avait libéré du miroir? Et là encore, quel était le rapport avec Edie? Il lui fallait absolument parler à quelqu'un. Elle jeta un coup d'œil par-dessus la claire-voie de son box, dans l'espoir d'apercevoir Blasius, mais elle ne croisa que le regard des devins dans les box voisins. Il flottait sous leurs moustaches enduites de brillantine un sourire qui la mit mal à l'aise. Lorsqu'elle eut fini de catalographier et qu'elle se leva de sa chaise, leurs voix fredonnèrent à l'unisson. « Météo du soir. Avis de canicule. » Ophélie les ignora. Elle se hâta de déposer ses livres au comptoir des fantômes, puis de perforer ses cartes au sous-sol. Quand elle consulta la montre de la statue mécanique du hall qui accueillait les visiteurs à profonde révérence, elle libéra un soupir. Elle avait juste ce qu'il fallait de temps pour trouver Blasius. Ce ne fut pas aussi simple que prévu. Le mémorial fermait toujours ses portes plus tard le samedi, en général pour les expositions temporaires, mais il y avait ce soir davantage de visiteurs qu'à l'accoutumée. Dans le grand atrium, des automates étaient en train de manœuvrer une grue pour installer un gong aux proportions monumentales. Ces préparatifs se faisaient en vue de la cérémonie d'inauguration du nouveau catalogue qui se tiendrait le même jour que la collation des grades. Ophélie marcha sur un nombre considérable de pieds pendant qu'elle arpentait les transcendiums et les salons d'Anvers. Elle se retournait chaque fois qu'elle croisait l'uniforme d'un mémorialiste, mais ce n'était jamais Blasius. Elle aurait trouvé excessivement frustrant d'avoir battu pour rien son record de vitesse en catalographie. Au détour d'une bibliothèque, elle tomba sur la dernière personne qu'elle cherchait. Un homme, aux longs cheveux argentés, se tenait assis dans un canapé en cuir. Il portait une redingote blanche et des lunettes roses. L'inventeur des automates domestiques, le célèbre arche-trotteur, le père d'Ambroise, Lazarus. Ophélie prit le plus grand ouvrage à sa portée et fit semblant de se plonger dedans. Cet homme lui avait serré la main au pôle. Il savait qui elle était et qui elle n'était pas. Heureusement, Lazarus ne l'avait pas vu. Il était en grande conversation avec le vieux balayeur du mémorial qui passait le plumeau sur des étagères de livres centimètre après centimètre. « Et c'est pourquoi il faut préparer l'avenir, old friend !» s'exclama Lazarus avec enthousiasme. « Vous devriez lâcher vos balais indignes de vous et profiter d'une retraite bien méritée, pourquoi pas un grand voyage. Le monde au-delà de ces murs est absolutely fabulous, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. » Walter, son inséparable majordome mécanique, était penché sur le canapé pour passer le peigne dans les longs cheveux de son maître. Il soulignait chaque mot du discours en hochant sa tête sans visage. Le vieux balayeur répondit par un haussement d'épaule, puis il reprit son dépoussiérage. Ophélie ne distinguait pas son expression sous sa triple couche de barbe, de franges et de sourcils, mais elle se sentait excédée pour lui. Ne pouvait-on donc pas le laisser travailler ici si ça lui faisait plaisir? Elle observa Lazarus sur le canapé, les jambes nonchalamment croisées, en train d'agiter son haut de forme comme un prestidigitateur, faisant l'éloge de l'avenir et de la modernité à grandes phrases emphatiques. Lors de leur première rencontre, elle l'avait trouvé irrésistiblement sympathique. Elle prit conscience qu'à présent elle se méfiait de lui, et pas seulement parce qu'il pouvait la démasquer. Il s'était trouvé au pôle presque au même moment que Dieu, et, comme Dieu, il avait manifesté un intérêt insistant pour le pouvoir familial de la mère Hildegarde. « Psst, Miss Ollie, par ici !» C'était Blasius qui, avec son manque d'à-propos habituel, venait d'apparaître entre les travées de bibliothèque à l'autre bout de la galerie. Il adressait à Ophélie des signes qu'il croyait probablement discrets. Elle n'eut d'autre choix que de le rejoindre, le visage toujours plongé dans son livre, sentant sur elle le regard intrigué du vieil explorateur. « N'était-ce pas, Mr. Lazarus, à côté de vous ?» lui chuchota Blasius. « Voici des mois qu'il est rentré à Babel, mais je ne l'avais pas encore croisé. » Ophélie fronça les sourcils. « Des mois ?» Ambroise s'était-il mis à l'éviter à cause du retour de son père ?« Vous n'avez pas l'air très heureux de le voir ici, » constata-t-elle tandis qu'il s'éloignait. Blasius s'était mis à pousser son chariot d'un pas lourd, les épaules voûtées, comme s'il faisait soudain rouler un cercueil. « Oh, détrompez-vous » soupira-t-il. « J'ai beaucoup d'admiration pour Mr. Lazarus, de la gratitude aussi. Il était autrefois enseignant au collège où j'ai fait mes classes et il s'est montré plus bienveillant envers moi que n'importe quel adulte. Ma malchance, ma gaucherie, mais, well, mes inclinations, rien de tout ça n'a jamais semblé le répugner. Il me trouvait intéressant. J'avais presque l'impression d'être « special » quand je parlais avec lui. » murmura Blasius en tordant un faible sourire. « De vous à moi, ce sont ces automates que je n'aime pas. Ils ont remplacé la quasi-totalité du service d'entretien. Si Mr. Lazarus est ici aujourd'hui, c'est qu'il a peut-être de nouveaux modèles à proposer au mémorial. Des modèles non seulement capables de nettoyer, mais aussi de ranger des livres et renseigner les visiteurs. » Blasius frotta la plaque commis épinglée à son uniforme d'un geste si anxieux qu'Ophélie contracta les mâchoires. « Non, décidément. Lazarus ne lui inspirait plus la moindre sympathie. « Vous avez reçu mon télégramme ? » demanda-t-elle doucement. Blasius cligna plusieurs fois de ses grands yeux humides. « What ? Oh, oui, oui, je l'ai eu. Je vous mentirais si je vous disais que votre requête ne m'a pas surpris et inquiété aussi. Après ce qui est arrivé à Miss Silence. Bref, j'espère que vous n'allez pas vous mettre dans de nouveaux ennuis. Que vouliez-vous savoir ?» Ophélie s'assura d'un coup d'œil qu'il n'était pas à portée des oreilles indiscrètes. Hormis les statues majestueuses qui servaient de piliers aux bibliothèques, il n'y avait personne dans cette galerie, ni au sol, ni au plafond. « Pourriez-vous m'indiquer l'endroit exact où étaient rangés les livres des Eady avant leur retrait ?»« Of course. Suivez-moi. » Chemin faisant, le chariot perdit une roulette, et quand Blasius se pencha pour la remettre en place, la couture de son pantalon craqua. Ophélie devait admettre qu'il n'avait vraiment pas de chance. Au département jeunesse, elle reconnut l'endroit où ils s'étaient rencontrés la toute première fois. Elle se revoyait en train de ramasser les livres de Hildy qu'elle avait fait tomber. Dire qu'elle les avait tenus entre ses mains ce jour-là, quelques heures à peine avant leur destruction. « Miss Silence m'avait pratiquement accusée de vol. » se rappela-t-elle à mi-voix. « Elle avait même voulu fouiller mon sac. » Tirant sur ses basques pour dissimuler la déchirure de son pantalon, Blasius désigna du menton la dernière étagère où s'alignaient des reliures de toutes les couleurs. « La collection complète des Eady était là-haut, et c'est de là-haut que Miss Silence est tombée, » ajouta-t-il en plissant le nez avec une grimace écœurée. « Je peux encore sentir l'odeur de sa peur. » Ophélie remarqua une élégante échelle sur rail. Un panneau indiquait « Les enfants n'ont pas la permission de prendre eux-mêmes les livres en hauteur. » « C'est l'échelle dont Miss Silence s'était servie ?»« Non, celle-ci est neuve, » répondit Blasius. « Nous sommes débarrassés de l'ancienne après l'accident. Le matériel ne présentait aucune anomalie, mais dans le doute. » Voilà qui n'arrangeait pas Ophélie. Lire un objet associé à une mort violente était éprouvant, mais il s'agissait peut-être du seul témoin de la scène. « Et vous m'aviez dit que Miss Silence était revenue ici après avoir détruit les livres ?» Perplexe, Blasius frotta ses cheveux hérissés. « Indeed. » Au beau milieu de la nuit, je ne m'explique toujours pas pourquoi. Il n'y avait rien de particulier quand nous l'avons trouvé ici au matin. » Ophélie fit glisser l'échelle sur son rail et monta les barreaux pour accéder au plus haut rayonnage. Ce n'était que des éditions récentes d'abécédaire. « Il n'y avait plus rien, » corrigea-t-elle. « Peut-être que ce que Miss Silence était venue chercher a déjà été pris par quelqu'un d'autre. » À l'instant où Ophélie prononça cette phrase, elle fut traversée par une intuition. Le mémorial garde-t-il une trace écrite des livres détruits par les maîtres censeurs ? Blasius tendit une main secourable à Ophélie pour l'aider à descendre, mais il trébucha contre un défaut du parquet et faillit la déséquilibrer. Oh, sorry. Pour répondre à votre question, oui, aux archives du service de censure. « Miss Silence a dû tout consigner là-bas. Elle prenait sans doute trop d'initiative, mais elle a toujours respecté la procédure. Pouvez-vous m'y conduire ?» Blasius consulta l'horloge de la galerie. « Je peux vous ouvrir, mais je ne m'attarderai pas. J'ai terminé mon service et mes parents m'ont exceptionnellement invité pour le souper. Je ne dois pas les faire attendre, » dit-il en cachant la déchirure à l'arrière de son pantalon. « Ils ont tellement honte de moi qu'ils attendent le premier prétexte pour me renier. »